histoire particulière. Victor de l'Aveyron est né vers 1790 dans l'Aveyron. Le 9 janvier 1800, le commissaire du gouvernement du département du Tarn informe les autorités d'une bien étrange découverte. Des chasseurs de Saint-Cernin-sur-Rance ont capturé un enfant inconnu, sourd et peut-être muet, qui, outre l'intérêt qu'il inspire par la privation de ses sens, présente encore dans ses habitudes quelque chose d'extraordinaire qui le rapproche des sauvages. On l'a trouvé entièrement nu, se nourrissant de racines et de châtaignes. L'enfant hagard est transféré dans un hospice où il se montre épouvanté à l'approche des hommes jusqu'à en devenir violent. L'enfant sera confié à l'abbé Sicard, directeur de l'institution des sourds-muets de Paris. Mais avant Victor, en 1731, un autre enfant sauvage fut capturé. Une bien curieuse histoire qu'Olivier Chomel et Julie Bérécy vous racontent tout de suite dans le premier épisode. Elle avait les pieds nus, le corps couvert de haillons et de peau, les cheveux sous une calotte de calebasse, le visage et les mains noires, comme une négresse. Elle était armée d'un bâton court et gros par le bout, en forme de massue. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. L'île, c'est ça. Là, voilà. Là, c'est l'île de la fille sauvage. La fameuse île de la fille sauvage. Elle est vraiment très, très, très minuscule. Elle fait, elle est une fois et demie la pièce, grand maximum, hein, en superficie. C'est très, très petit. Et c'était le refuge de Marie-Angélique. Alors, une fois capturée, elle continuait à y aller un petit peu pour s'isoler, autres, etc. Mais c'est là, effectivement, qu'elle a été vue la veille où elle a été capturée. Elle a été vue avec une autre sauvageonne qui, apparemment, a été tuée dans le village voisin la veille de la capture. Et elle aurait été capturée après s'être réfugiée sur un arbre, donc sur cette partie-ci, donc à l'entrée du château. Elle pêchait à main nue, elle chassait à main nue également en courant derrière les animaux. Une fois qu'elle les avait capturés, elle paraît qu'elle dépeçait un lapin avec ses doigts en un temps record, qu'elle le mangeait tout de suite, que son petit régal c'était d'attraper des grenouilles et de les manger crues. C'est dans le petit village de Songy, près de Châlons en effet, que un beau jour de septembre 1731, les villageois aperçoivent une jeune fille, disons une enfant, toute noire, hirsute, en haillons, armée d'un gourdin, poussant des cris de gorge. Bien sûr, ils y voient tout de suite une figure diabolique. Enfin, ils s'enfuient, tout le monde se claque-mur chez soi. La petite entre dans le village, sans doute elle avait soif ou faim. Et les villageois, effrayés, lâchent sur elle un gros chien que la petite assomme avec son gourdin, d'un geste très sûr, sans être aucunement effrayé par le molosse. Donc la nature un peu diabolique de l'enfant est confirmée, mais bon, voyant qu'elle n'est pas reçue à bras ouverts, elle retourne, monte dans un arbre et s'installe pour la nuit. Bandit, voyou, voleur, schnappant ! Marie-Angélique, la fille sauvage de Champagne, premier épisode, où l'on capture et étudie l'étonnante sauvagesse de Songy. Olivier Chomel, Julie Bérécy. Les premiers qui l'aperçurent s'enfuirent en criant « Voilà le diable !» En effet, son ajustement et sa couleur pouvaient bien donner cette idée à des paysans. Ce fut à qui fermerait le plus vite sa porte et ses fenêtres. Elle est effrayante, on voit le diable, hein, on voit une bête. Et en même temps, tout de suite, on veut la capturer et la garder. Hein, et surtout pas la laisser repartir. Pas tellement parce qu'elle serait dangereuse dans la nature, mais parce qu'elle est intéressante. Et donc, comme d'autres créatures étranges, on va l'offrir au seigneur local et puis on va venir l'observer. C'est un trésor aussi, hein, elle est fascinante. Et ce que c'est que ces hurlements ? Bandit, voyou, voleur, snapant ! C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. On la capture, là il y a plusieurs versions, je trouve que la plus jolie c'est celle où elle a grimpé dans un arbre, on va essayer de la faire descendre en lui proposant à boire, donc elle descend, elle boit, elle remonte aussitôt, et on va essayer de l'amadouer par l'amitié, donc on lui envoie une femme portant un enfant, et ça c'est déjà peut-être caractéristique de l'image qu'on se fait, l'idée qu'on se fait d'une jeune fille. Pour amadouer une jeune fille, on va lui montrer une image de la maternité. Et donc on envoie une femme portant un enfant qui lui apporte toutes sortes de mets capables de lui plaire, et notamment un poisson. Et donc elle, là, elle se laisse amadouer, la femme s'écarte progressivement de l'arbre et on attrape la petite fille. On va l'enfermer, elle s'échappe à plusieurs reprises, on la reprend. C'est la grande sécheresse en Champagne. Donc finalement, Éric Félizon, c'est ce qui l'a amené à prendre le risque d'être vu et capturé. Eh bien, probablement que peut-être c'était la fin. Peut-être elle s'est rapprochée des villages. Pour l'eau. Pour l'eau et puis peut-être manger. Mmh. Et c'est là qu'elle s'est fait prendre, quoi. Donc elle est capturée à Sangy. Elle est conduite au château de Sangy où le vicomte d'Épinois s'en est occupé. Mais elle vit en liberté. Elle n'est pas enfermée au château. Et pas tout de suite. Au début, elle est attachée. Ah ben oui, au début, oui, elle voulait sauver, quoi. Mais elle a quand même compris relativement vite que les gens ne lui voulaient pas du mal. Donc elle allait dans les douves, elle allait pêcher, elle allait... parce qu'elle ne vivait pas comme nous, quoi. Enfin, pas comme les gens du village, quoi. C'est un mystère. C'était véritablement une énigme qui se présente dans ce paisible petit village de Sangy, hein, et qui va donc causer un émoi considérable. La capture se passe pas très bien parce que l'être dont on se saisit résiste, tape mort griffe. Je ne sais pas si elle tape mort griffe, mais elle se débat. Naturellement, elle ne se laisse pas docilement faire parce qu'elle, ce n'est pas une enfant qui cherchait la sollicitude et les secours de ses congénères. Donc effectivement, elle est dans une attitude d'hostilité au minimum. Hein. Et surtout, ayant vécu en pleine liberté, y compris de ses mouvements, elle vit très mal cette capture qui s'accompagne bien sûr d'une séquestration, d'une réclusion, d'une impossibilité d'aller et de venir, et aussi de l'imposition d'un régime alimentaire qui ne lui convient pas du tout. Parce qu'elle a l'habitude, elle a un régime crudivore, elle a l'habitude, alors là peut-être il y a une enjolivation, enfin, ou une narration qui fait un peu la part belle à la dimension de sauvagerie de cette petite fille, mais il nous est dit donc qu'elle ne mange que des viandes crues, elle chaparde des lapins et des filets de bœuf dans la cuisine du vicomte d'Épinois, lapin qu'elle mange, elle le dépèce d'une main, elle le dévore tout cru, sans le vider, nous dit-on, etc. Et on veut l'initier aux joies de la gastronomie française, ça ne lui convient pas du tout. Le régime cuit, elle ne le digère pas, elle ne digère pas le pain, etc. Elle adore le sang frais aussi. Et oui, c'est une carnassière, elle aime le sang frais et elle aime l'eau de vie. Donc elle a des goûts qui sont des goûts... là encore, qui défie un petit peu l'assignation à ce qu'on pourrait penser être les goûts d'une fillette, qui en principe ne mange pas des lièvres crus qu'on fait passer avec des rasades de vieilles prunes. L'être humain n'est pas très doué pour se débrouiller tout seul. En général, il lui faut la société de ses semblables pour s'épanouir. Pourtant, de loin en loin, on a vu surgir des enfants grandis seuls dans la nature, parmi les loups, les ours, les singes. On signale même un enfant porc-épic. Des êtres hirsutes, effrayants, difformes, forcément dangereux pour le corps et pour l'âme. Ce sont presque toujours des mystifications. Deux cas authentiques et retentissants, se suivant de près, sont les grandes vedettes de l'univers des enfants sauvages. Victor de l'Aveyron, découvert en 1799, et l'énigmatique Caspar Hauser, apparu à Nuremberg en 1828. Avant eux, Marie-Angélique Leblanc, la fille sauvage de Champagne, avait ému l'Europe entière. Ensuite, on l'a oubliée. Son histoire n'a pas eu l'honneur posthume d'être portée à l'écran par un François Truffaut ou un Werner Herzog. Par ailleurs, Marie-Angélique est en quelque sorte rentrée dans le rang. Elle a volontairement perdu sa sauvagerie, retrouvé le langage et réintégré la civilisation. Elle est d'ailleurs un exemple unique dans ce cas. Elle a vraiment vécu pendant une dizaine d'années à l'état sauvage dans les forêts, donc elle a appris à se nourrir et à survivre. Et forcément, ça lui a fait développer des capacités physiques assez folles. Aurélie Bévière, co-scénariste de la bande dessinée Sauvage aux éditions Delcourt. Elle avait un peu un regard aussi d'animal sans cesse aux aguets, avec ses yeux qui partaient dans tous les sens. Une façon de courir dont les villageois ont dit qu'elle avait l'air de glisser sur le sol sans vraiment faire de pas. Et ne serait-ce que c'est vrai que le fait de nager simplement à l'époque, c'était très très rare. et d'écorcher à main nue des animaux grâce à des griffes, forcément ça paraissait inhumain en fait. Donc elle s'est nourrie quasiment que de viande crue pendant une dizaine d'années. Donc même son corps s'est adapté à ça, parce que pendant 10 ans en forêt, elle a développé des capacités, mais pas celles de faire le feu. Anne Richardot, ce sont autant d'exploits qu'elle accomplit là. Ben, ce sont des exploits d'autant plus que l'éducation d'une jeune fille au XVIIIe siècle n'encourage pas, évidemment, ce genre de performance physique. La jeune fille, elle doit rester calme, assise. D'ailleurs, dans l'éducation ensuite que la jeune fille va subir, on lui dit bien, les filles ne montent pas aux arbres, les filles ne se jettent pas dans les mares, etc. Enfin, si ça avait été un garçon, sans doute la surprise aurait été moins grande. Il y a aussi la surprise qui vient du fait que c'est une fille. Mais je crois que le cas des filles perdues dans les forêts sont rarissimes. Soit que les parents, quand ils cherchaient à se débarrasser d'un enfant, laissaient une chance au petit garçon en le laissant dans la forêt, façon Petit Poucet ou Édipe, et qu'ils étouffaient les filles dans le berceau, je ne sais pas. Mais les cas de filles sont très rares. Donc c'est un motif de surprise plus grand. Et puis aussi, il y a l'idée qu'une fille est plus faible, donc elle s'en sort moins facilement, etc. Et la prouesse de la survivante est considérée comme plus grande. Elle était noire, mais on s'aperçut bientôt, après l'avoir lavée plusieurs fois, qu'elle était naturellement blanche, ainsi qu'elle l'est encore aujourd'hui. On remarqua aussi qu'elle avait les doigts des mains, surtout les pouces, extrêmement gros par proportion au reste de la main, qui était assez bien faite. C'est un cas unique. Là, dans les annales connues des enfants trouvés, il y en a quand même quelques dizaines sous l'Ancien Régime, c'est la seule, c'est une des raisons de la célébrité de son cas, qui a recouvré toutes les facultés intellectuelles. Elle n'a pas seulement appris à parler, elle a appris à parler, elle a été instruite, elle a reçu une éducation assez sommaire, mais enfin, malgré tout... Et cela assez vite. Elle s'est aussi adaptée aux règles de la vie en société, ce qui n'était pas forcément gagné. Oui, alors ça c'est le point même le plus difficile, nous dit sa biographe. Il lui a été plus facile d'apprendre à parler que d'apprendre à rester assis sur une chaise, à manger avec un couteau et une fourchette, et puis d'aimer cuire, etc. Et il lui a fallu des mois et des mois pour s'abstenir de plonger dans une mare. Elle est là avec sa belle robe de demoiselle. Elle passe le long d'une mare pleine de grenouilles et pof, elle plonge dans la mare et elle va pêcher les grenouilles qu'elle mange toutes crues, etc., provoquant bien sûr l'indignation et le dégoût général. Donc c'est plutôt la réhabilitation, ou le dressage même, pourrait-on dire, comportemental, qui va être le plus difficile pour elle, plus que la réintégration cognitive qu'elle réussit de manière quasiment miraculeuse en réalité. Les grenouilles, c'est une friandise pour elle. Et d'ailleurs, elle est plutôt gentille, parce qu'il y a un épisode d'un banquet où elle offre des grenouilles vivantes aux invités, plutôt que de les laisser manger... un rôti cuit. En effet, c'est un épisode assez comique où, voulant faire plaisir à toute une tablée, elle s'éclipse de table, elle va pêcher des grenouilles et elle revient avec, vivante, et elle les offre comme ça, elle les lâche sur la table, provoquant donc, bien sûr, sans doute, des cris d'horreur de tous les convives. Mais de manière générale, elle est décrite comme étant plutôt gentille. Très vite, elle se laisse faire. C'est un autre motif d'étonnement, c'est que toute sauvage qu'elle est, elle ne l'est pas dans ses mœurs. Elle est douce, elle est obéissante, voilà. Et d'ailleurs, ses pulsions qu'elle ne peut contenir quelquefois, on les lui pardonne parce qu'on comprend bien que c'est malgré elle. Il y a une sorte de retour du naturel qui revient au galop. Quoi qu'il arrive, on la soumet à, bel et bien à la violence. C'est une normalisation, oui, et c'est une normalisation, une resocialisation qui ne se fait pas sans violence, il faut bien le dire. On la mate. On la dresse, absolument. Du plomb dans l'aile tombée du ciel à l'infortune, à le bitume et son goût de fer au fond de la bouche de laisse. À l'arrière sur le banc de tout. Du plomb dans l'aile à crash. léger, le fiel, la foi fondue, le cœur foutu, et la lutte est longue, la quête est belle, la bête immonde, le vent se lève. Une des choses qui m'étonne dans cette histoire, c'est la docilité qu'elle montre une fois qu'elle est capturée, et assez vite, même si au début elle résiste. Parce que elle a certainement vécu une existence très dure pendant les 10 ans, admettons, qu'elle passe dans les forêts. Mais elle perd bel et bien une liberté totale, même si c'est dur. Après, elle perd, oui, sa liberté, mais son souci, quand elle était libre, c'était de manger, de ne pas avoir froid. Parce qu'à mon avis, elle avait froid et elle n'avait pas à manger tous les jours. Elle n'est pas frileuse, elle se baigne aussi l'hiver. Mais que là, quelque part, c'était aussi un confort. Elle avait à manger, elle était au couvent ou ici au château et ailleurs. Elle avait pu à se soucier de ça, quelque part, ou moins. Et peut-être que ça... Vous savez, une bête, si vous lui donnez un sucre et que vous la flattez, elle ne vous mord pas, quoi. Donc finalement, Éric Félizon, vous avez tendance à penser que celle qui sera Marie-Angélique Leblanc, la fille sauvage de Songy, est plutôt bien tombée à Songy. Ça aurait pu être pire. Bien sûr. Je pense que pour elle, ça a été plutôt une bonne affaire, quoi. Enfin, une bonne affaire. Elle est plutôt bien tombée. Sans entrer dans la civilisation, en étant au château ici, enfin ici ou ailleurs, mais d'être tombé sur des gens qui n'avaient pas de mauvaises intentions, quoi. D'un point de vue local, elle pose problème, parce que qu'est-ce qu'on va en faire? C'est une vraie mini-révolution d'un point de vue humain. Qui est cette personne? D'où vient-elle? Francis Passinas, maire de Songy. Et effectivement, donc elle part très vite, après quelques mois passés à Songy, elle part très vite à Châlons, hein, où elle sera placée chez les sœurs de Châlons. Et puis là, à partir de là, on commence un petit peu à s'intéresser à elle. La notoriété est grandissante, et puis on vient un petit peu des quatre coins du monde. Hein. Ce sera aussi l'occasion pour Songy d'accueillir des illustres personnages de l'époque. En 1737, lorsque la reine de Pologne, mère de la reine, alla prendre possession du duché de Lorraine, passant à Châlons, on lui parla de la jeune sauvage et on la lui amena. La reine de Pologne voulut qu'elle l'accompagnât à la chasse. Là, se voyant en liberté et se livrant à son naturel, la jeune fille suivait à la course les lièvres ou lapins qui se levaient, les attrapait et revenait du même pas les apporter à la reine. Elle avait quelque chose de précieux dans la mesure où elle faisait partie de ces êtres un peu étranges et monstrueux qu'on offrait au prince. À ce moment-là, pour avoir l'éducation, une éducation conforme, il fallait qu'elle passe par le couvent. Déborah Lévy-Bertera, maître de conférence à l'ENS. L'autre possibilité, ça aurait été qu'elle devienne directement domestique, comme une enfant adoptée, une enfant trouvée. Mais peut-être qu'elle n'en était pas capable, qu'elle avait besoin de ce passage, même en dehors d'une éducation, disons, bourgeoise ou aristocratique passant par le couvent, qu'elle avait besoin du couvent tout simplement pour la dompter, hein, pour lui passer ses envies de liberté, pour lui passer ses accès qu'elle pouvait encore avoir, de rage, de cri, hein, parce qu'elle criait. Alors elle s'adoucit quand même relativement vite, elle est très sensible à l'affection. Ça, c'est un trait qu'on va trouver aussi chez Victor de l'Aveyron, qui est toujours très sensible à l'affection qu'on lui montre depuis le début, ce qui fait qu'on n'est pas sûr qu'il ait été vraiment autiste. Elle n'est vraisemblablement pas autiste, mais il est possible qu'elle ait eu une déficience, hein, qui aurait expliqué pourquoi elle a non seulement un langage très peu élaboré pendant longtemps, mais même une attitude très infantile. C'est vrai qu'au démarrage, c'était tellement violent qu'elle a failli en mourir, du fait qu'on veuille la forcer à manger la nourriture cuite. Son corps supportait pas, elle vomissait toujours. Et on voulait la purger de son sang sauvage, donc on lui a fait des saignées. En même temps, à l'époque, c'était le remède à tout. Oh, t'es malade, on va te faire une saignée, même si t'as un rhume. Enfin, elle qui avait été habituée à boire du sang et à manger de la viande crue, la saignée, c'était pas forcément la bonne solution. Et elle a failli en mourir. Et elle est vraiment tellement failli en mourir qu'ils l'ont baptisée en urgence alors qu'elle était quasiment dans le coma, puisqu'ils pensaient qu'elle allait y rester, en fait, qu'il fallait absolument qu'elle soit baptisée avant de partir. À cette époque, ils ne savaient pas qu'elle avait déjà été baptisée, en fait. Et c'est une autre histoire. Mais donc, elle a tellement failli mourir que voilà, ils ont même appelé quelqu'un pour lui donner les derniers sacrements parce que il y avait urgence. Jusqu'à ce qu'un médecin ait la lumineuse idée de se dire « Mais comme elle était habituée à boire du sang, peut-être qu'en fait, il faudrait pas lui en enlever, mais lui en donner. » Donc, ils ont arrêté les saignées et ils lui ont fait boire du sang. Et ils l'ont laissé un peu remanger ce qu'il lui fallait. Ils ont arrêté de la persécuter, en fait, pour qu'elle rentre bien dans le petit moule de la bonne chrétienne qu'ils imaginaient. Et miraculeusement, elle a survécu, en fait. Et au bout d'un moment, elle a fini par s'habituer à avoir une nourriture un peu plus conforme. Et apprendre à marcher avec des chaussures aussi, par exemple, c'était un peu compliqué. Apprendre à plus grimper aux arbres, à ne plus nager, c'était... Natation, c'était l'œuvre du démon à l'époque, quasiment. Donc voilà, on essaye vraiment de la mettre dans le moule d'une jeune fille de l'époque. Donc c'était pas très très féministe le XVIIIe siècle. Et elle était un esprit indépendant. Elle a dû renoncer à pas mal de choses pour s'intégrer vraiment. Il faut sauver son âme. Et donc, on la baptise en toute hâte, quelques mois seulement après, au début de 1732. Nous avons l'acte de baptême, et c'est là qu'on lui donne le prénom de Marie-Angélique, suivi de Mémie, qui est le prénom du premier évêque de Châlons, et flanqué du patronyme, tout à fait apparié au point de vue de la connotation, Leblanc. On nage dans la candeur, l'innocence, ce qui montre bien d'ailleurs avec quel regard on la juge. C'est une manière sans doute de montrer la réussite du processus éducatif puisqu'elle est véritablement passée du noir le plus effrayant au blanc le plus clairement manifesté par Marie, par Angélique et par Leblanc. Marie-Angélique arrive aussi donc en plein siècle des Lumières avec tout un questionnement sur... l'homme, sa véritable nature, le poids de la religion sur l'homme, le poids de la civilisation sur l'homme. On s'interroge sur ce qu'était l'homme avant la civilisation. Et du coup, ça devient un sujet d'étude passionnant pour les scientifiques et les philosophes du XVIIIe. Et non des moindres, Isabelle Guyot. Et non des moindres, oui. Puisque donc beaucoup d'entre eux ont quand même écrit au sujet de Marie-Angélique. Il y a la condamine avec qui elle a échangé, la condamine qui s'est déplacée pour la rencontrer. Il y a donc Voltaire qui a écrit à son sujet. Il y a aussi Louis Racine qui l'a rencontré également lorsqu'elle était à Paris. Et puis le fils de Jean Racine, qui est le fils de Jean Racine, oui, poète lui-même. Et encore de nombreux autres écrits à son sujet. Ça a été vraiment un événement. Très, très important. On peut s'attendre, Isabelle Guyot, à ce que dès qu'on a capturé Marie-Angélique, on cherche à reconstituer sa vie d'avant. Mais il faut bien dire que le travail n'est pas très probant. Donc c'est extrêmement difficile parce qu'au départ, quand Marie-Angélique est capturée, elle ne s'exprime que par des cris de gorge. Mais ensuite, je trouve que c'est étonnant parce que dès décembre 1731, il y a la lettre qui paraît dans le Mercure de France qui explique qu'elle est quand même capable de dire quelques mots de français. Et notamment, elle est capable aussi de donner quelques éléments de son ancien langage et la traduction en français. Par exemple, pour dire « bonjour fille », elle dit que dans sa langue, on dit « yas, yas, fuel ». Voilà. Donc... ça laisse imaginer que quand même elle avait connu un langage articulé avant sa période d'ensauvagement. Et ça, c'est même une certitude. Oui. Et aussi que elle avait appris, elle était familière de la langue française aussi. Elle la connaissait un peu, sans aucun doute, sans la maîtriser, mais elle l'avait déjà entendue parler français. En tout cas, il y a une certitude dans cette histoire, c'est que si elle retrouve le langage vers l'âge de 19-20 ans, ça signifie, ça implique qu'elle a parlé petite. À mon avis, oui. Julia Dowsett Viglione. Parce que d'après les autres cas d'enfants, j'aime pas trop le terme enfant sauvage, mais l'enfant isolé, l'enfant abandonné, et puis les études qu'ont fait les linguistes et les psychologues, sur l'enfance, à partir d'un certain, une certaine étape, je pense qu'il est, il est plus aussi possible de, d'apprendre la langue. Si on n'apprend pas avant 5 ans, je pense, il devient de plus en plus difficile. C'est vers 6-7 ans que ça se situe, je crois. Oui. Donc, ce qui indique que cette femme n'était pas probablement aussi prodige qu'on l'a cru, qu'elle était tout simplement soit une petite Française laissée pour, enfin, dans les bois, ou bien une fille qui avait été élevée par quelqu'un, quelque part, et puis, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvée en France. Ce 18e siècle s'intéresse fortement aux enfants sauvages. Et il y a beaucoup de savants et d'intellectuels qui cherchent à approcher Marie-Angélique Leblanc et qui le feront. Il y a Charles-Marie de la Condamine sur le tard. Il y a aussi un philosophe et linguiste écossais qui s'appelle James Burnett, Lord Monboddo. Et la Condamine et Lord Monboddo ont en commun une sorte de curiosité très 18e siècle, curiosité très polymorphe. Ce sont tous les deux des savants avec de multiples casquettes, mais ils partagent donc cette curiosité pour l'origine. C'est une interrogation qui traverse tout le siècle. L'origine de l'humanité, l'origine des langues, dans le cas de l'Écossais, hein, qui a écrit un énorme ouvrage en 6 volumes sur l'origine des langues. Il est considéré comme le premier linguiste comparatiste, et lui-même était plus que polyglotte, puisqu'il avait appris, outre les langues, les grandes langues européennes, il avait appris le tahitien, l'algonquin, l'esquimau, etc. Et c'est d'ailleurs lui qui, en 66, qui rencontre Marie-Angélique, et c'est lui qui va mettre le doigt sur l'origine amérindienne. Et c'est donc l'Écossais qui, faisant parler la jeune fille, lui présentant un certain nombre de mots, par recoupement, en vient à faire remonter en elle une langue, au moins par bribes, qui la désigne comme étant de la tribu des renards. Au juste, de quoi disposons-nous pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé avant septembre 1731 dans la vie de cette fille ? On dispose de très très peu de choses. Donc on en est un peu réduit à des conjectures et à de l'imaginaire. C'est frustrant. C'est frustrant, et la réalité, comme souvent dans les histoires d'enfants sauvages, est probablement beaucoup plus triste que tout ce qu'on peut imaginer. Et peut-être qu'on a justement besoin de d'échafauder toutes ces histoires d'aventures, de voyages, de périples, etc., pour combler ce qui serait peut-être beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus lamentable si on s'en tenait véritablement à ce qui peut être retracé. C'est-à-dire que si elle n'avait pas un type exotique, elle pouvait être une petite fille qui avait grandi de manière à moitié sauvage parce que elle n'avait pas été, disons, aidée, hein, et donc elle avait dû se débrouiller. Et donc c'était peut-être tout simplement l'histoire d'une enfant maltraitée, d'une enfant abandonnée, d'une enfant laissée à elle-même. Et voilà. Mais il restera toujours des mystères. Et surtout ces aptitudes extrêmement remarquables à la pêche et à la chasse, ce qui n'existe véritablement dans aucune culture, enfin à ce point-là. Des petites filles qui chassent à main nue et qui dépècent les animaux. Toujours dans le récit de la Condamine, il y a un moment qui est magnifique où on lui demande qui sont ses parents et elle montre un arbre. Elle est la fille de l'arbre et elle montre la terre. Ses parents sont les arbres et la terre. Donc c'est, voilà, c'est vraiment l'enfant de la nature et dès qu'elle peut, elle se réfugie dans les arbres. Marie-Angélique, la fille sauvage de Champagne. Premier épisode, où l'on capture et étudie l'étonnante sauvagesse de Songy. Avec Éric Félizon, Isabelle Guyot, Francis Passinas, Déborah Lévy-Bertera, Anne Richardot, Aurélie Bévière, Julia Dowswaite-Viglione. Texte lu par Céline Milia Baumgartner. Prise de son Pierre Quintard. Mixage Éric Boisset. Une histoire particulière, Julie Bérécy, Olivier Chaumel. La suite du documentaire sur l'histoire de Marie-Angélique Mémy Leblanc, ce sera demain à 13h30. Pour le moment à 14h, rendez-vous au Centre Pompidou pour vivre en direct le festival Imagine.